Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 28 juin 2022 et c'est l'épisode 282. S'il y a bien un sujet pour lequel on aurait pu passer à côté de toutes les implications que ça pouvait avoir dans le monde de la tech, c'est la décision de la Cour suprême des États-Unis de ne plus faire dépendre justement de la Constitution le droit ou l'interdiction d'avorter pour les Américaines. On va en reparler évidemment, mais vraiment on peut vite passer à côté de tout ce que ça implique et qu'on ne soupçonne pas forcément entre la confidentialité des données personnelles, les décisions internes des entreprises de la tech notamment vis-à-vis de leurs salariés. On a plein de choses à raconter et puis c'est aussi l'occasion de parler aussi de grands sujets politiques qui orientent aussi la tech, la section 230 une fois de plus, la régulation des cryptos et même l'identification d'utilisateurs avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis en plus de ces sujets majeurs, on va parler de Remars, alors je le prononce peut-être pas très très bien, ou Remars en bon français, l'événement d'Amazon. Mars, c'est pour Machine Learning, Automation, Robotics and Space. On va vous dire ce qu'il fallait retenir de cet événement et puis on parlera aussi sans doute de réalité virtuelle, de jeux vidéo. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tous ces sujets, on retrouve celui qui est à l'actutech, ce que les juges sont à la Cour suprême, auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bah ça va, mais ça dépend du juge, je suis pas du tout d'accord. Effectivement, probablement que ce serait difficile de t'englober. C'est sur l'importance, tu vois, le rôle qu'ils jouent plus que leur orientation politique, bien entendu, il faut voir ça. Vous aimez Tech Café, et peut-être que le podcast fait partie de ceux que vous préférez écouter dans votre app de podcast. Alors bon, soyez rassurés, vous aurez encore très longtemps et en fait, en tout cas le plus longtemps possible votre émission, mais parce qu'on sait qu'elle vous informe et qu'elle vous divertit, hein, et en plus c'est tout bénef parce qu'au passage vous imaginez bien, nous aussi on s'informe en préparant l'émission et puis quelque part on se divertit à la faire. Pour autant, on peut que vous demander de nous croire. Ça demande forcément toujours beaucoup de temps à gérer, à préparer, à piloter. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire très, très concrètement, quelques minutes seulement. Je me le dois de vous le rappeler avant qu'on échange sur les sujets de cet épisode. Il vous suffit pour cela de vous rendre sur Patreon. C'est un site de financement participatif récurrent. L'adresse patreon.com/techcafé. De toute façon, vous retrouvez cette adresse dans les notes de l'épisode. Et puis, vous pouvez vous abonner pour soutenir l'émission à la hauteur du montant hebdomadaire que vous souhaitez, tout en restant évidemment libre d'y mettre fin quand vous voulez, ou même de plafonner vos participations. C'est ce qu'on fait par exemple FabC01 et Linibou, à qui on fait de joyeux clins d'œil et qu'on remercie évidemment beaucoup pour leur soutien. Et puis qui sait, peut-être que vous allez écouter le début de cet épisode comme d'habitude, mais le terminer pour la première fois en ayant été vous inscrire. Rendez-vous pour cela sur patreon.com/techcafé. Guillaume, on a plein de petits retours que je voulais partager dans cet épisode et que je voulais mettre en lumière et peut-être porter à ta connaissance. Bon, d'une part, il y a un avis Apple Podcast qui a été déposé par Padu77, donc j'imagine qu'il habite partout en France, mais pas en Seine-et-Marne, c'est comme ça que je le comprends en tout cas, et qui dit « Alors comme ça, on s'est fait démasquer par l'inspecteur Lajoub, hein, qui avait déposé un commentaire sur Apple Podcast et qui critiquait notre orientation politique qu'il avait pensé discerner. Il dit « On enregistre des podcasts de gauchistes bien-pensants sous couvert de la tech et de ses actus, haha. Merci pour votre travail, nous dit-il. Je lis pas la totalité de son avis qui est très complet, vous pourrez aller vous-même le lire, mais qui est très sympa. Il dit donc merci pour votre travail et votre complicité, c'est vraiment cool de vous suivre depuis Tablette Café. Et oui, bah écoute, merci beaucoup Padu77 pour ton écoute, ta fidélité, c'est très sympa pour avoir déposé aussi un petit avis sur Apple Podcast. Donc vous aussi, si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez mettre quelques étoiles pour valoriser l'épisode, l'émission, le podcast d'ailleurs. Et puis si vous écoutez sur Podcast Addict ou Apple Podcast, on sera ravis de lire vos avis. Guillaume, est-ce que tu vas jeter un coup d'œil de temps en temps sur les articles qui accompagnent les publications d'épisodes sur techcafé.fr ou pas ? Les articles, c'est-à-dire ? Tu sais, bah, en fait, à chaque fois qu'on publie un épisode de podcast sur Tech Café, en fait, il est accompagné d'un article sur techcafé.fr. Et figure-toi, il y a des commentaires sur ces épisodes. Je pense, le commentateur numéro 1 hors catégorie, le recordman des commentateurs, c'est Mika, qu'on salue. Ça fait toujours super plaisir d'avoir ses commentaires. Il joue vraiment le jeu de réagir, je pense, au fur et à mesure de son écoute, parce qu'il arrive même parfois à publier plusieurs commentaires pour un même épisode. Donc, bon, déjà, vous pouvez faire comme lui, mais surtout, je peux porter à la lumière des auditeurs quelques remarques qu'il a fait. Donc il réagissait, Mika, notamment sur le fait de travailler avec un casque de réalité virtuelle. Il comprend pas trop l'intérêt de travailler toute la journée avec ça. Et c'est vrai que ça pose question. Hein. On avait parlé de réalité virtuelle dans les derniers épisodes, mais vraiment travailler toute la journée avec ça, on peut se poser la question. Autant ça a du sens pour une réunion de présentation d'un projet ou une réunion qui inclurait des gens géographiquement éloignés, donc pour combler une contrainte physique, ok, mais pour travailler toute la journée. Et c'est vrai qu'en plus, il reporte à la lumière là aussi le fait que on est plutôt à l'heure où on ajoute sur nos écrans des filtres bleus, on parle du temps d'écran, de la déconnexion, du fait d'imposer un écran à quelques centimètres de sa rétine devrait être beaucoup plus encadré selon lui. Alors, je pense qu'effectivement si ça se démocratise, il y aura probablement là aussi des garde-fous et des régulations qui se mettront en place. J'avais demandé, tu sais que j'avais posé la question à un opticien, j'avais posé la question sur les casques de réalité virtuelle, parce que effectivement moi aussi je me demandais, parce que c'est quand même des écrans qui sont très proches. Alors c'est des écrans qui sont très proches, mais qui ont une luminosité qui n'est pas non plus énorme. Et en fait elle m'a dit, a priori c'est pas clair du tout, parce que bon, les expériences qui ont eu des effets délétères, souvent c'est sur des petites souris avec des trucs très très proches et des puissances assez élevées de lumière bleue, quoi. Donc pour les casques de réalité virtuelle, elle n'a pas su me dire, en fait. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un manque, effectivement, de recul là-dessus. Elle n'avait pas l'air alarmiste, quoi. Mais bon, c'est vrai que je suppose qu'il n'y a pas beaucoup, forcément, d'études. Alors, si vous en connaissez des études, je sais que c'est peut-être difficile, mais tout ce qu'on cite, c'est toujours ces petites souris, là. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Je ne sais pas. On ira jeter un coup d'œil, c'est intéressant, et en tout cas si vous avez des remontées à nous faire, n'hésitez pas, hein, y a plein de moyens, les commentaires techcafé.fr, sur le serveur Discord aussi, dans les notes, dont le lien figure dans les notes de l'épisode, sur les réseaux sociaux, on sera ravis de prendre connaissance de tout ça. Et puis je termine aussi son commentaire, il dit, si un auditeur entend le bruit de la fête de la musique aux fenêtres de Guillaume Pogjaspala, qu'il tague la minute exacte, elle sera revendue sous forme de NFT. Je trouve son idée excellente, je m'inscris là-dedans. Et puis un dernier élément aussi qui nous remonte, il nous parle du commerce entre guillemets digital, hein, je sais qu'il y a toujours polémique sur l'utilisation de ce terme, via les messageries. On avait parlé du concept de l'interaction et de la vente sur les services de messagerie. Ça peut donner la version numérique du vendeur Fnac passionné, c'est toujours plus chaleureux qu'une simple page web listant des produits, ça se défend. Et il conclut, nous sommes un public tech particulier, mais par exemple, je discutais avec une maman ce week-end, elle me disait qu'elle était perdue lors du changement de son mobile et qu'elle avait suivi les yeux fermés le choix de son vendeur Fnac préféré et qu'elle était ravie de son achat. Typiquement, c'est le genre de client qui pourrait préférer ce genre d'interaction versus une simple liste triée de produits. Je comprends, ça se défend, c'est probablement un cas d'usage et un cas de consommation qui se défend. Et puis enfin, je termine vraiment cette rubrique courrier du lecteur qui est exceptionnellement plus chargée, mais ça fait très plaisir d'avoir vos retours, donc vraiment j'en profite pour relayer quelque chose qu'on m'a remonté à plusieurs reprises. J'avais dû parler avec Kassim de la présentation des nouveaux MacBook qui avaient le port MagSafe qui revenait, le port aimanté chez Apple qui permet donc de recharger l'appareil, et en même temps si vous prenez les pieds dedans, ça ne dégage que le câble et ça ne casse pas, ça ne fait pas tomber votre machine et ça la casse pas. Et je me plaignais du fait que ça revenait à une époque où au contraire on essayait d'ouvrir un petit peu plutôt d'aller dans des standardisations des ports de recharge. Et on m'a fait remarquer à plusieurs reprises, et vous avez tout à fait raison, qu'on peut aussi recharger ces MacBooks avec la prise USB. Donc effectivement, le port MagSafe n'est pas incontournable. Vous aviez raison de le relayer, vous avez été nombreux à le dire, donc je voulais effectivement souligner ce point. Guillaume, je dois te faire une confession, c'est que vraiment, vraiment, vraiment, il y a un sujet, alors, j'étais pas mal pris à titre perso ces derniers temps, peut-être que ça va être l'excuse que je pourrais brandir, mais malgré tout, je suis totalement passé à côté des implications dans le monde de la tech que pouvaient avoir les décisions qui ont été pas mal relayées dans l'actu généraliste ces derniers jours. On peut le rappeler en quelques mots, mais c'est vraiment la Cour suprême des États-Unis qui est revenue sur un dispositif qui protégeait quelque part et qui considérait comme acquis dans la Constitution le droit à avorter. Et ben, les choses sont pas mal remises en question. Et encore une fois, moi, j'avais vraiment pas soupçonné toutes les implications qu'il pouvait y avoir dans le monde de la tech. Guillaume, toi aussi, t'as suivi ça de très, très près. Oui, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident de relier ça à la tech, en fait. Et à première vue, bon, c'est fait de société majeure, évidemment, c'est un truc énorme, mais tu te dis pas, ça va avoir sa place dans un podcast tech. Alors, c'est vrai que c'est une grosse semaine, hein, pour la Cour suprême. Donc, ils ont inversé ce qu'ils appellent l'arrêt Roe versus Wade. Donc, ça garantissait l'avortement aux États-Unis. Bon, évidemment, vous avez tous vu ça. On s'y attendait un petit peu, de toute façon, depuis la fuite de début mai. Mais ça fait quand même un choc quand ça arrive. C'est marrant, tu t'attends toujours, mais quand ça arrive, c'est quand même presque une quasi-surprise. En fait, moi, c'est vrai que j'ai peut-être l'espoir. Alors, bon, quand on fait un petit peu d'histoire, ça remonte à 1970, quand même, quand Jane Roe, donc c'est un pseudonyme, en fait, puisqu'elle s'appelait Norma McCorvey, on le sait. Donc Jane Roe conteste la loi du Texas qui interdit l'avortement. Et le Wade de Roe versus Wade, bah, c'était un Henry Wade, le procureur de Dallas, bah, qui lui la défend. Alors l'argument de l'avocat de Jane Roe, c'est que c'est inconstitutionnel. La Cour suprême regarde le dossier en 1971 et donne raison à la plaignante en 1973, assurant donc qu'aucun État américain ne peut criminaliser l'avortement. Or, dans les faits, il y a plein d'États qui traînent les pieds, hein, qui compliquent énormément le processus, mais c'est techniquement légal. Enfin, c'était techniquement légal, hein, dans tout le pays, jusqu'à la semaine dernière, où la Cour suprême actuelle, à majorité conservatrice, a décidé autrement, à 6 contre 3, ce qui va immédiatement rendre l'IVG interdite par la loi, dans une dizaine d'États, et dans la moitié du pays, très rapidement, hein, parce que voilà, ça fait un joli bond de 50 ans dans le passé, sachant que quelques jours plus tôt, ces mêmes suprêmes ont invalidé une loi de l'État de New York qui restreignait le port d'armes de ses résidents. Parce qu'à New York, il fallait justifier d'une bonne raison, en fait, pour sortir de chez soi avec une arme. Oui, c'est intolérable, évidemment, hein, pour les juges qui veulent s'assurer que dans cet État aussi, ben, il y a bien autant de tueries de masse que dans n'importe quel autre. Ben, évidemment, c'est le sens de l'équité, j'imagine. Alors, croyez pas que j'exagère, d'ailleurs, hein, quand je dis ça, parce que dans les États de New York, New Jersey, le Massachusetts ou la Californie, où il y a des lois analogues, la mortalité par arme à feu, elle est nettement moins élevée. Et vous pouvez aller le voir vous-même sur le site de cdc.gov. D'ailleurs, voilà quelques chiffres, hein, il y a 8,5 morts pour 100 000 habitants en Californie, alors qu'il y en a 5,3 à New York, 4, mais 14 au Texas, 20 dans le Montana ou l'Oklahoma et 28 dans le Mississippi. Donc, mais le truc, c'est qu'évidemment, si New York est inquiété, le New Jersey le sera aussi, bref, tout le monde va profiter de la décision de la Cour suprême. Après Uvalde, c'était vraiment le truc à faire, hein. C'est vraiment une bonne grosse semaine pour la Cour, qui défend la vie quand elle en a envie, hein, bien entendu. Mais bon... Elle a encore du pain sur la planche, hein, parce que la loi américaine fonctionne beaucoup sur la jurisprudence, en fait. Et après, il y a beaucoup d'effets dominos comme ça. Et il y a encore plein d'arrêts à réviser. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le juge Clarence Thomas, qui écrit noir sur blanc qu'il faudrait aussi revenir sur les arrêtés Griswold, Obergefell et Lawrence, Obergefell, je sais pas. Donc en clair, ça veut dire potentiellement revenir sur le droit à la contraception, le mariage gay et la sodomie. Bon, techniquement, Lawrence versus Texas concerne la sodomie homosexuelle en 2003, et c'est d'ailleurs c'est ce qui a ouvert la voie au mariage gay en 2015. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin, hein ? D'ailleurs, Samuel Lee Jackson a interpellé Saint Thomas pour savoir s'il ne voudrait pas aussi revenir sur l'arrêt Loving versus Virginia, parce que c'était en 67, il n'y a pas si longtemps, hein, et ça légalise le mariage interracial. Bon, on est tranquille, hein, parce que cet arrêt a permis à Clarence d'épouser Virginia Lamp, qui est blanche, et ça seulement 20 ans après l'arrêt Loving, puis c'était en 87. Mais bon, donc là, de ce côté-là, on pourrait évidemment être tranquille. Bon, évidemment, il y a eu beaucoup de réactions, hein, donc à la révocation de Roe vs Wade, c'est un moment historique, hein, ça aura d'énormes conséquences. Alors déjà, pour les femmes qui seront forcées de mener des grossesses à terme, hein, et les enfants, bien sûr, qui naîtront à cause de ça, évidemment, et on sait très bien de quel ordre, d'ailleurs, parce qu'en 2020, il est paru une longue étude très détaillée qui s'appelle « The Turnaway Study », détaille les conséquences physiques, psychologiques et sociales des grossesses non désirées. C'est une étude de 10 ans portant sur 1000 femmes, et ça a donné un livre d'ailleurs. Alors très rapidement, ça dit que l'avortement ne conduit pas à plus de dépression ou de suicide qu'être forcé à mener une grossesse à terme. Qui est un argument qui est quand même avancé en non désiré par les tenants de l'interdiction de l'avortement. Exactement, c'est un argument qui est commun chez les pro-life. Hein. Par contre, pour les femmes forcées de mener à terme, on constate plus d'anxiété, de complications de santé, plus de chances de rester bloquées avec un partenaire abusif, moins d'estime de soi, plus de précarité. Puis ça a aussi évidemment des implications néfastes pour les enfants à naître. Bon, la décision de la Cour suprême va donc avoir des conséquences sociales énormes. Il y a déjà des mouvements de protestation, d'ailleurs massifs dans tout le pays, hein, on le voit un peu partout. C'est un pays qui était déjà, enfin qui n'avait pas besoin de ça, hein, qui était déjà très polarisé et divisé, c'était vraiment pas besoin. Et il faut bien se rendre compte d'ailleurs que c'est pas étonnant qu'il y ait énormément de protestations, parce que d'après le Pew Research Center, seuls 37% des Américains souhaitent que l'avortement soit illégal dans la plupart des cas. Et c'est un pourcentage qui est stable en plus depuis presque 30 ans. D'ailleurs pour les hommes c'est pareil, il n'y a que 14% des Américains qui souhaitaient des lois qui sont moins restrictives qu'actuellement. Et évidemment, ça par contre, évidemment, c'est le jour et la nuit selon que vous êtes démocrate ou républicain. Bon. Alors, le secteur tech, lui, qui est en général plutôt libéral dans l'ensemble, bah lui, il réagit aussi beaucoup. Donc il y a Sony, comme Meta d'ailleurs, qui voulait pourtant garder un silence strict sur le sujet et pas trop se mouiller. Mais il y a quand même là, pour l'instant, il y a quand même une multitude de studios PlayStation qui ont exprimé leur désapprobation. Il y a l'IGDA, qui est l'International. Ils avaient eu des instructions, hein, pourtant, qui oui, visaient à dire voilà, prenez pas la parole, n'abordez pas le sujet entre vous, quoi, grosso modo. Non, c'est exactement ça, mais pourtant, bon, bah là, évidemment, c'est sorti. Hein, et puis, bon, tout le monde, l'IGDA, il y a même Sheryl Sandberg, qui est donc quasi ex-CEO de Meta, qui a été une des premières à monter au créneau. Il y a eu Susan Wojcicki, qui est donc CEO de YouTube. Il y a eu Bill et Melinda Gates, Marc Benioff de Salesforce, voilà, et d'autres. Voilà, les grosses boîtes font d'ailleurs suivre leur position aussi de mesures un peu plus concrètes en termes de gestion des ressources humaines, puisque voilà, Google, Microsoft, Meta, Apple, Amazon, Yelp, Tesla vont rembourser les voyages de celles qui devraient aller très loin, disons, pour bénéficier d'une IVG, qui sera considérée comme une dépense de santé, en fait. Donc Google offre même à ses employés de couvrir les frais de relocalisation, donc pas déménager quoi, sans poser de questions si le déménagement voilà, tente certaines dans certains autres états. Bon, évidemment, comme tu le dis, au-delà des réactions... Il y a une prise en charge aussi, hein, des déplacements dans d'autres états, si, le temps du... Pas tant de déménagement, mais des déplacements, le temps de prendre en charge des soins, en l'occurrence, de permettre un avortement. Non, mais des déménagements si aussi, hein. En tout cas dans le cas de Google, peut-être dans d'autres cas, je sais pas. Au-delà de ces réactions-là, bon, comme tu disais, ça pose des questions qui sont quand même des questions de tech plus profondes. Premièrement, c'est clair que voilà, on se trouve en face d'un sujet qui hier était normal et courant, hein, et qui devient aujourd'hui illégal. Donc pour une plateforme, c'est un gros problème. Combien il y a de gens qui discutaient quotidiennement IVG pour se donner des conseils, s'entraider, tout ça. Mais maintenant, juste aider quelqu'un à avorter de quelque manière que ce soit, même en lui donnant un vague conseil, dans la moitié du pays... ça va être désormais aider quelqu'un à enfreindre la loi. Et donc, ça va être un crime. Au Texas, tout est déjà prêt. Hein. Il y a une asso qui propose une loi pénalisant toute forme d'information sur l'avortement, que ce soit par téléphone, internet ou autre. Tout site parlant de ça, surtout les sites qui indiquaient comment se procurer des pilules abortives, par exemple, ce genre de choses, tomberaient sous le coup de la loi. Techniquement, un site qui parle d'avortement et qui donne des infos est protégé par le premier amendement, mais... les activistes pro-life, ils sont procéduriers. Il n'y a pas de problème. Donc, un procès, c'est cher, c'est long. Même si on gagne à la fin, c'est pas à la portée de tout le monde. Facebook pourrait être poursuivi des centaines de fois. Même les FAI sont pas à l'abri d'être accusés de faciliter les comportements illégaux. Hein. Et même criminels, d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, enfin, en tout cas, pour les tenants, en tout cas, pour ces gens, évidemment, c'est des trucs criminels. Aujourd'hui, la section 230 permet aux plateformes de pas être inquiétées. Et justement, on répète assez souvent qu'elle est remise en question. Aussi bien à droite qu'à gauche. Et avec la mort de Roe vs Wade, la question devient beaucoup plus délicate. Parce qu'une révision un peu rapide, c'est la cata. Procès incessant, autocensure même d'ailleurs, de tous les sites, parce que il faut pas sous-estimer cet effet d'autocensure en fait. Hein. On a déjà un exemple, c'est la loi Fosta Sesta. Donc vous vous souvenez peut-être, hein, c'était sous le mandat de Trump, sous couvert de lutter contre le trafic d'êtres humains, tout contenu un temps soit peu sexuel est devenu radioactif aux États-Unis. Donc les travailleurs et travailleuses du sexe ont été virés d'Internet, ce qui a évidemment accru d'ailleurs encore leur précarité, hein, et voilà. Mais il y a même les sites d'éducation sexuelle qui se sont vus dégager par les plateformes par peur des ennuis. Il y a eu comme ça une vague de paranoïa et d'autocensure qui peut parfaitement se reproduire. Et toucher à la 230, même pour de bonnes raisons, hein, même voilà, avec toute la bonne volonté du monde, c'est bon, bah là, ça va devenir un petit peu comme jouer au docteur Maboule, tu vois. Ça va être dur d'opérer sans toucher les bords, quoi. Bon, c'est déjà, il y a ce truc-là. Et puis, évidemment, c'est un autre sujet crucial en termes tech, c'est la vie privée, la protection des données en ligne. Bon, tout le monde sait que les géants de la tech récoltent quotidiennement une énorme masse de données. Hein, Facebook, Google, Apple ou Amazon, ils nous connaissent vraiment très bien, hein, ils connaissent nos petites habitudes. Mais il n'y a pas que. Presque toutes les applications qu'on utilise contiennent des trackers, en réalité. Et aux États-Unis, où les lois sont quand même assez chill là-dessus, hein, y a des courtiers qui achètent toutes sortes de données, qui les vendent à qui on veut, de manière souvent assez opaque, sans d'ailleurs assurance qu'il n'y ait aucun effort réel d'anonymisation. Il y en a aussi en Europe, hein, des courtiers. Mais le GDPR, en tout cas la loi rend la chose un petit peu plus encadrée, on va dire. Mais bon, il y en a qui s'en cachent pas. Hein. Il y a par exemple un site qui s'appelle Placer AI, qui se vante tout seul, lui-même, hein, d'avoir la géolocalisation de 20 millions de personnes à travers une implantation de plus de 500 applications mobiles. Donc c'est très très répandu. Hein. Le commerce de données, c'est un marché, le commerce de données de géolocalisation, ne serait-ce que ça, hein, c'est un marché de plusieurs milliards de dollars. Les téléphones nous suivent partout, collectent des données partout, des masses d'infos, et désormais, ces infos peuvent devenir compromettantes. Par exemple, les forces de l'ordre peuvent demander l'accès à l'historique des recherches et trouver que tu es renseigné sur les pilules abortives. Le téléphone peut révéler où tu es allé, quand tu y es allé, qui tu as appelé, qui tu as texté. Les applications de suivi des règles possèdent des données de santé, du coup, qui peuvent directement se retourner contre toi. L'Electronic Frontier Foundation le dit bien, ça arrivera. Des gens feront des procès pour avortement. Les boîtes tech seront saisies par la loi pour trouver des indices dans les données qu'elles collectent. Et pas qu'elles, d'ailleurs. Les médecins aussi, les centres de conseil de santé, fertilité, tu sais, les centres de conseil, les centres de conseil, c'est des lieux où il y a des données qui sont concentrées, quand tu y vas, etc. Et c'est des lieux qui sont d'ailleurs pas protégés par le secret médical la plupart du temps. En tout cas là-bas, et voilà, bien sûr, tout ce que tu iras sur les réseaux sociaux aussi pourra servir, tu vois. C'est vraiment une super ambiance, il n'y a pas à dire. La mort de Roe versus Wade, ça met vraiment en exergue comme jamais la problématique de la protection des données personnelles et de la vie privée. Donc, faut espérer qu'au milieu de la crise politique et sociale qui est en train de se créer, là, il y aura au moins cette prise de conscience qui aboutira à de meilleures pratiques de la part des plateformes tech, il y a de meilleures régulations dessus. Voilà, j'essaie d'être un peu optimiste face à tout ce marasme, même si pour le moment, silence radio sur ce sujet. J'aimerais mieux connaître la société américaine, parce que un point important que tu cites et que j'ai pas arrêté, qui est une question que j'ai pas arrêté de me poser en suivant un peu cette actualité, c'est de me dire justement mais qui va être amené à initier un procès vis-à-vis d'une personne qu'on soupçonne d'avoir fait un avortement. Tu vois, vraiment, je me pose la question. Si tu veux, on va peut-être. Je voudrais juste rappeler quelque chose par rapport à des personnes, excuse-moi, qui ont peut-être pas justement suivi, sans parler de tech, mais de l'actualité. Vraiment, encore une fois, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est au niveau constitutionnel qu'il n'y a plus cette protection et cette garantie pour les Américaines d'accéder à l'avortement. Et du coup, ça va dépendre des États. Donc, ça ne veut pas dire que l'avortement est interdit dans tous les États américains. Ça veut juste dire que cette décision appartient à la législation de chacun des États. Et donc, il y a des États qui autorisent l'avortement, il y en a d'autres qui l'interdisent, il y en a d'autres qui ont préparé des lois qui vont se déclencher très très très vite parce qu'elles étaient déjà prêtes et qui vont se déclencher presque automatiquement pour justement interdire l'avortement. Je voulais juste rappeler ce point-là parce que je ne sais pas si on a été assez explicite sur ce point. Oui, effectivement, il y a des États, il y en a peut-être une dizaine, je pense, qui ont des trigger laws, c'est-à-dire des lois qui, dès que Roe versus Wade tombe, elles s'appliquent automatiquement. Et c'est des lois donc qui interdisent, donc l'avortement sera interdit, directement. Après, il y a des lois qui vont être, dans les autres États, donc à tendance, républicaine. Parce qu'on va pas se mentir, c'est évidemment état rouge, état bleu encore. Il y a pas de secret là-dessus. Effectivement, dans les autres États, il faudra. Ça va venir. Ça mettra un petit peu plus de temps, mais ça viendra. Quand tu demandes qui va, qui, c'est très simple. Déjà les activistes pro-life, et il y en a beaucoup aux États-Unis. Il faut savoir que les États-Unis, c'est un pays qui est très religieux. Donc là, actuellement, la religiosité est en baisse aux États-Unis. Donc ils ont baissé depuis 10 ans là, mais je crois que le dernier chiffre c'est quand même 81% de gens qui se disent religieux, qui croient en Dieu aux États-Unis. Donc c'est un pays qui est très religieux. Après, ça ne veut pas dire que quand t'es religieux t'es forcément pro-life, mais bon, c'est un pays qui est différent de la France, c'est un pays qui est différent des pays européens quand même, nettement. Et clairement, c'est surtout un pays qui est en guerre culturelle, je pense qu'on peut le dire, entre la frange vraiment très à droite et la frange plus à gauche, il y a vraiment un souci, clairement, de culture, de valeur. C'est hyper polarisé comme pays, et donc des activistes, il y en a. Et clairement, le sujet religieux, la Cour suprême est en train, effectivement, de suivre l'agenda de la droite chrétienne, j'allais dire intégriste. N'exagérons rien, mais enfin bon, de la droite chrétienne, très très très très à droite, quoi. Effectivement, honnêtement, on peut vraiment se poser des questions sur ce qui va arriver ensuite, quoi. Donc maintenant, déjà, il y a les activistes pro-life qui sont assez nombreux aux États-Unis, qui sont très actifs, et en général, tous les conservateurs, et il y en a énormément. Ils sont en majorité dans les États donc où ces lois, où ce genre de loi va s'appliquer, forcément, ils seront en majorité, Et il y a même des encouragements. Par exemple, au Texas, il y a une loi, c'est la Heartbeat Law, qui interdisait même avant ça, l'avortement après 6 semaines. Je ne suis pas spécialisé, donc peut-être je vais dire des bêtises, mais je crois que c'était ça. Ça interdisait l'avortement après 6 semaines. Et en fait, n'importe qui pouvait attaquer quelqu'un qui donc aiderait ou ferait un avortement dans ces conditions, et n'importe qui pourrait l'attaquer et gagner 10 000 dollars au minimum. Et il y avait, c'était vraiment un encouragement à ça. Et je pense vraiment qu'il risque d'y avoir une véritable chasse aux sorcières en réalité, hein, dans les États où l'avortement va devenir illégal, va être criminalisé. Il risque clairement d'y avoir une chasse aux sorcières, et cette chasse aux sorcières, elle pourrait clairement utiliser les outils numériques et les données qui sont récoltées. Ça pourrait tourner à la chasse aux sorcières numérique, clairement. Il faut s'y attendre. C'est quand même déroutant, hein, vu de l'extérieur, quand on observe comme ça des sociétés. Mais peut-être qu'on s'attend moins à être dérouté par des profils de sociétés quand on regarde les États-Unis que, je sais pas, quand on regarde peut-être la Chine, dans lesquelles on a souvent parlé, hein, de leur société, et de voir à quel point elle était différente de ce que nous, on a l'habitude de vivre. Mais là, effectivement, on voit à quel point les États-Unis aussi sont un miroir qui ne reflète pas du tout notre façon de vivre. Ils ont leurs problèmes, on va dire. Ils ont leurs propres problèmes, effectivement. Bon, écoute, très bien, t'as un petit cadeau bonus pour nous, Guillaume, sur cette petite chronique qui nous permet de nous tourner vers les crypto-monnaies. Oui, on continue sur notre lancée légale, en fait, avec un procès aux conséquences qui sont potentiellement ahurissantes s'il est gagné. Donc, les États-Unis ont une loi, j'imagine comme un peu tout le monde, hein, contre le blanchiment d'argent. Donc, pour aller vite, hein, toute transaction de plus de 10 000 $ doit être rapportée à l'IRS, donc c'est les impôts américains, même en cash. Donc c'est le titre 26 de la section 6050i. Je dis ça de tête, bien entendu, parce que j'ai appris le code des impôts américains par cœur, pas dans mes dernières vacances à Wesson, évidemment. Un peu plus tôt cette année, l'administration Biden a soumis un amendement à ce truc pour inclure les crypto-monnaies, qui étaient donc traitées comme du cash, en somme. Et ça n'a pas plu à des crypto-brous qui ont formé un collectif qui s'appelle le Coin Center et qui attaque le Trésor américain et l'IRS, enfin le gouvernement en fait, dans son ensemble. Ils attaquent pour surveillance financière intrusive. Il serait donc contraire, alors, au premier et au quatrième amendement, rien que ça. Alors, le quatrième amendement, c'est celui qui requiert qu'il y ait un mandat pour perquisitionner ou saisir des trucs. Bon, perso, j'ai aucune idée des chances qu'ils ont de gagner ou pas ce procès, mais ce qui est hallucinant, c'est que même s'ils attaquent que la partie crypto, en fait, le reste, ils s'en foutent, hein, complètement, s'ils gagnent, ils risquent de faire tomber tout le titre 26. Et donc, les transactions, tout court. Ouais, y compris celles en cash, quoi. Exactement. Donc, en fait, ils mettent en danger une loi anti-blanchiment qui vieillit de 40 ans. Tout ça pour 8 mots qui mentionnent les crypto-monnaies. Alors, leur position, elle, bien sûr, est appuyée par des think tanks libertariens. Bon, ouais, c'est tout, on s'en doute. Hein. Bon, suite au prochain numéro, il y a d'assez bonnes chances, de toute façon, que la cour du Kentucky, parce qu'apparemment, c'est là où ça va se jouer, soit sensible aux rentrées d'impôts supplémentaires, hein, que donnerait quand même la modification de la loi. Donc, ouais, bon, j'ai confiance. Pensé. Je pense qu'effectivement, ça dicte pas mal de décisions, effectivement, de s'asseoir à côté d'une bonne source de revenus, effectivement. Bon, et je sais pas ce que s'imaginent les personnes qui découvrent un peu les crypto-monnaies en surface et qui prennent pas le temps de creuser leur réflexion derrière sur les implications. Je vois pas trop ce qu'ils s'imaginent, en fait, mais bon, écoute. Ah, mais ils disent explicitement que ça leur va. C'est-à-dire, on leur a demandé. Alors, mais vous savez que ça peut faire tomber la loi complètement? Ils me disent, ça tombe avec, ça nous va, hein. Ben oui, ben comme quoi c'est... Alors, par contre, on ne peut pas leur reprocher un manque de cohérence. Je pense que d'aller dans la démarche, c'est extrêmement cohérent. On va terminer cette rubrique, Guillaume, avec une nouvelle initiative de la part d'Instagram qui veut, et on peut bien les comprendre, essayer d'identifier les utilisateurs qui n'auraient pas la tranche d'âge appropriée pour utiliser la plateforme. Ouais, Instagram fait des tests en ce moment avec une boîte qui s'appelle Yoti et qui se vante d'être capable d'estimer l'âge de quelqu'un rien qu'en le filmant sa tronche, en fait, de gauche à droite. Donc Yoti va être... C'est tellement douteux déjà sur le papier, sur la promesse, mais bon. Alors, en fait, Insta veut contrôler l'âge des utilisateurs puisqu'il est interdit au moins de 13 ans. Donc Yoti affiche des chiffres qui, dans l'absolu, sont plutôt bons, quoi. Mais pas forcément foufou, voire pas foufou du tout, pour être déployé à grande échelle. En fait, entre 6 et 12 ans, l'erreur moyenne, c'est 1,36 ans. Elle monte à 1,52 entre 13 et 19 ans, et le taux d'erreur est encore plus élevé pour les peaux foncées. Donc en gros, y aura quand même pas mal de gamins de 11-12 ans qui passeront à travers, et pas mal de gamins de 13 ou 14 qui seront rejetés. Bon, l'algo va peut-être s'améliorer, hein, c'est une expérimentation de toute façon. Bon, inévitablement, ça rappelle qu'en France, on cherche toujours à interdire le porno moins de 18 ans. Au passage, clairement, j'ai fait c'est du pain béni. J'ai fait mon check Pornhub, ça y est, c'est toujours open, il n'y a aucun problème. Bon. Alors, Yoti affirme que 99,65% des jeunes entre 13 et 17 ans qui ont été scannés sont correctement identifiés comme ayant moins de 23 ans. Donc on a l'air de s'approcher d'une solution qui pourrait identifier les personnes majeures. Franchement, je me demande toujours à quel point c'est même possible en fait de faire la différence de manière fiable entre un gars de 17, 18 ou 19 ans, tu vois, voire 20 ans. Je sais pas. Bah, il doit y avoir une variabilité selon les personnes, tu vois, même. Mais bon. J'en parle. Pourquoi j'en parle ? C'est parce que Yoti a quand même été approuvé par le gouvernement allemand. En fait, il va être utilisé par les Allemands exactement pour ça, pour vérifier la majorité. En France, c'est pas à l'ordre du jour. Bon, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura un exemple à observer, quoi. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quel est le taux d'erreur dans le traitement traditionnel. Aujourd'hui, tu sais, quand tu as des vérifications, par exemple, pour des formalités administratives importantes, c'est quand tu dois donner ton identité, qu'on vérifie ton âge, etc., même quand tu donnes des extraits de casier judiciaire, etc. Quel est le taux d'erreur, tu vois ? Parce qu'après tout, si l'algorithme fait mieux que le taux d'erreur actuel, bon, bah, quelque part, c'est bien. Parce que on part du principe papier, qu'aujourd'hui, hein. c'est 100%, mais je sais pas. Bah, disons, comme c'est un papier que c'est marqué dessus, tu vois, si. Ah ouais, bon, ouais. Tu peux te planter dans la soustraction, je sais pas. Je me dis que comme il y a forcément des gens avec des mains derrière qui oui, mais il y a de l'erreur. T'as raison, il y a de l'erreur. Après, combien, à mon avis, pas beaucoup. C'est... Bon. Peut-être que c'est plus fiable que les fonctionnements actuels. Après tout, on verra. Allez, on va mettre de côté ces sujets quand même assez orientés politiquement, avec des sujets malgré tout fascinant autour de ce que nous a présenté donc Amazon. Toi, tu as suivi de près tout ce qu'il y avait à nous présenter Amazon, parce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y en a dans la robotique, il y en a dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y en a aussi dans l'accompagnement du développement d'app, de services. Guillaume, ce qui a retenu particulièrement ton attention, c'était l'arrivée, on pouvait s'y attendre tôt ou tard, des robots qui vont peut-être remplacer les bons vieux humains en chair et en os qui transportent nos colis avant de nous les livrer. Bah, j'espère bien, de toute façon. Bon, ouais, c'est vrai que c'était un gros morceau du Remorse. Donc Amazon organise en fait deux événements, c'est le Reinvent et le Remorse. Donc Reinvent, c'est plutôt AWS. Je pense qu'on avait couvert un Reinvent il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'était plutôt AWS, les nouveautés cloud, tout ça. Alors que Remorse, Amazon est plutôt dans l'innovation sur le long terme, l'intelligence artificielle, les robots, l'espace, les drones, tout ça. Comme tu as dit, effectivement, puis Mars, c'est l'espace. Alors, c'est un secret pour personne, Amazon veut robotiser au maximum ses entrepôts, donc il s'est lancé là-dedans il y a une dizaine d'années, quand il a racheté Kiva Systems, en fait. Et à Remars, il a présenté plusieurs modèles qui préfigurent, voilà, bien sûr, l'avenir d'Amazon. Alors, le premier, c'est une sorte de gros Roomba, qui s'appelle Proteus, et qui pourrait sans doute porter un éléphant. Hein. Il est tout plat, sur roulette, comme un Roomba, hein, vraiment. Il est fait pour passer sous de grands chariots qui sont hauts et pleins de cartons. Et ensuite, son dos se surélève, et donc il soulève légèrement le cerveau, comme ça, puis après, il emporte vite, directement. Alors, il y a déjà eu des robots qui ressemblaient quand même beaucoup à ça chez Amazon. Il y a 2 ans, en Essonne, par exemple, là, il y a Amazon déployé un système analogue qui rappelle quand même énormément les Proteus. Ceux-ci ont un design un peu différent, c'est un peu plus plat, ils sont redesignés. Apparemment, ils ont beaucoup plus de capteurs, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sophistiqués. Ils sont totalement autonomes, apparemment, ils reconnaissent aussi les gens, ils s'arrêtent, ils sont capables de les contourner. Ça, c'est apparemment, j'ai l'impression que c'est une nouveauté, parce qu'on s'inquiétait un petit peu des anciens Roomba, là. Ils avaient l'air un petit peu moins attentifs. Donc ça, c'est les premiers robots présentés, mais il y en avait d'autres. Il y avait Cardinal. Cardinal est familier aussi, hein, puisque on avait déjà vu cette espèce de gros bras robotique qui a une collection de ventouses à la place d'une main. Ben, pas une main, c'est une collection de ventouses qui prend les colis, comme ça, ça colle. C'est des colis jusqu'à 25 kilos. Et donc, voilà, on voit les colis qui arrivent d'une rampe. Et lui, il les prend avec ses ventouses, il les place dans divers chariots, dans la destination, donc c'est un robot trieur, tout simplement. Et après, des Proteus emportent les chariots qui sont remplis. Donc après, il y a aussi un nouveau système de scan. Jusqu'à présent, il fallait qu'un humain utilise une douchette pour scanner le colis, le code sur un colis. Et eux, ils ont développé ARID, donc ID, Augmented Reality ID, je suppose, un truc comme ça. Donc en gros, le colis est filmé à 100 Hz par une bonne caméra, et des algos de reconnaissance de forme localisent tout seul le code et le lisent. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu aussi un système de petits conteneurs destinés à contenir les colis, donc en fait, c'est des espèces de gros racks de tiroirs, et dans le tiroir, tu mets les colis, quoi. Et tous ces trucs-là sont manipulés de manière exclusivement robotique. Donc t'as un gros bloc, voilà, une grosse tour de colis, qui est manipulé par des bras robots. Voilà, c'est la version organisée du gros chariot de colis qu'on a vu avec les Roomba, là. Donc ils sont empilés comme une espèce de grosse tour qui est véhiculée par un Proteus, et qui sont, voilà, manipulés comme ça, de manière exclusivement automatique. Alors, Amazon utilise des robots depuis un petit moment, quand même. Hein. Donc, dès l'année prochaine, les Cardinal et les Proteus devraient arriver dans les entrepôts. Ça devrait marquer, voilà, encore une nouvelle phase dans la multiplication des machines et le remplacement progressif d'une partie de la main-d'œuvre. Ça soulève toujours la même question, évidemment, en matière de perte d'emploi, même si on sait à quel point travailler pour Amazon, c'est pas forcément une partie de plaisir tous les jours, hein, c'est sûr. Et d'ailleurs, en fait, si on en croit un mémo interne qui a fuité récemment et qui a été repéré par Recode, les robots pourraient être tout simplement nécessaires à l'existence d'Amazon. À l'existence même d'Amazon en lui-même, en fait. Parce que, selon ce rapport, c'est simple, plus personne ne veut travailler chez eux. Il faut dire qu'il y a un sacré turnover dans la boîte. Hein. Un employé Amazon dans un entrepôt, il reste en moyenne 8 mois en poste seulement. Jusqu'à présent, ce n'était pas vu comme un problème. Même limite, c'était mieux. Tu vois, ça ne laisse pas le temps aux salariés de s'organiser, d'avoir des revendications, c'est sur le long terme. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure, Amazon épuise les bassins d'emploi où il est implanté. Parce que bon, ben, un centre de tri, il est un endroit, tu vois, je veux dire, il ne peut pas bouger. Donc quand il est un endroit et qu'il a, en gros, qu'il a essoré tous les employés qui étaient possibles autour, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, c'est fini. En 2024, l'offre de main-d'œuvre disponible pourrait être épuisée aux États-Unis. Sur le pays entier. Et c'est déjà le cas donc, à plusieurs endroits, comme Phoenix, où ils n'arrivent plus à recruter. Donc, actuellement, le taux de chômage est très bas. Ça contribue aussi énormément, enfin, aux États-Unis, hein, en tout cas. Ça contribue évidemment beaucoup à leurs problèmes. Bon, il y a une bonne crise économique hein, qui va sans doute le faire remonter un petit peu, là, qui arrive. Donc, ça va peut-être redonner un petit peu de mou, mais à long terme, il va falloir revoir certains trucs. C'est-à-dire, soit augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail, soit mettre des robots partout. Bon, Amazon se veut rassurant, hein, les machines vont aider à protéger les employés qui sont là, en prenant en charge du travail pénible, voire du travail dangereux. Et donc, robots et emplois ne sont pas incompatibles. Évidemment, il reste à voir dans quelles proportions. Hein. Après, les machines, c'est quand même pratique. Hein. Elles ne cherchent pas à se syndiquer, ça c'est quand même un très bon point pour elles. À moins que Blake Lemoine ait raison et que Lambda leur trouve un bon avocat, mais ça, on en reparlera dans un prochain épisode. Il fallait écouter les prochains épisodes pour bien tout comprendre à ce sujet. Moi, je peux, franchement, sur le papier, je peux que me satisfaire d'avoir des robots. Parce qu'en fait, quand je vois les vidéos des robots qui bossent là et qui trient les colis et tout, je peux pas m'empêcher de me dire, mais c'est fou qu'on soit aujourd'hui en train de payer des humains et sans doute très mal payés en plus dans des conditions très difficiles pour faire ça. Qui peut s'épanouir et qui peut se satisfaire de voir ce genre de truc? Alors après, il y aurait beaucoup de questions à rajouter. Hein. C'est, est-ce qu'on a besoin de tels centres de traitement? Est-ce qu'on a besoin de tant consommer via Amazon et ça? Qui sont des questions tout à fait légitimes. Mais enfin bon, c'est compliqué parce que tu sais, c'est pas un boulot très épanouissant peut-être. En fait, c'est quand même un boulot qui rapporte du pognon. Tu sais, des fois, si c'est ça ou rien. Mmh. C'est pas facile. Ouais, c'est sûr. Petite parenthèse, dans un domaine assez analogue, j'ai pris connaissance, un truc que je connaissais vraiment pas beaucoup, mais c'est pas tech du tout, hein. Mais la restauration rapide, et notamment les McDo, là, en France, où on a des employés qui sont souvent des contrats étudiants. Mais en fait, quand tu creuses, alors c'est pas fun hein, de bosser chez McDo, mais quand tu vois les conditions qui sont données pour délivrer des CDI, avec des horaires qui sont hyper souples par rapport aux contraintes d'étudiants, je suis pas payé par McDo et il y a beaucoup de choses à dire, hein, donc vraiment prenez tout ça avec des pincettes, mais moi je ne soupçonnais pas qu'il y avait dans plein de magasins, dans plein de restaurants McDo, autant de souplesse vis-à-vis des étudiants. Et je comprends que les étudiants soient hyper en phase avec ce concept-là pour financer tes études. Quand tu as autant de souplesse du coup dans ton travail et que tu as une rémunération en CDI, je peux comprendre l'argument. Donc faut souligner ça aussi. Amazon a présenté aussi des choses à destination des développeurs, notamment des aides au développement avec de l'intelligence artificielle qui t'aiderait à utiliser les bonnes portions de code qui vont bien, comme dans Gmail où on te suggère la suite de tes phrases. Ça me rappelle vaguement quelque chose, Guillaume Copilote. Sans déconner. Et ben oui, Amazon se lance aussi dans l'assistant au codage. Alors pour l'instant, leur Code Whisperer, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Il est disponible sur invitation via l'environnement des développements AWS. Et c'est mieux Whisperer en termes de com, tu vois, ça te murmure, ça te suggère des choses, plus que Copilote, tu vois, ça conduit à côté de toi, mais Whisperer, c'est beau, ça chuchote un peu des suggestions, c'est magnifique. J'adore. Non mais je suis assez bien, je suis assez d'accord, c'est très mignon, et donc c'est un outil qui est analogue au Copilote effectivement de GitHub, lequel vient d'ailleurs de passer en mode commercial, puisque désormais Copilote vous aidera pour 10 balles par mois ou 100 dollars par an. Donc Copilot, d'ailleurs, ça a été un franc succès, hein. 1,2 million de programmeurs qui l'ont utilisé sur une année, son année de test, et l'outil a produit 40% du code de ceux qui en ont profité, ce qui est quand même extraordinaire. Alors, enfin, c'est, je ne m'attendais pas à un niveau aussi important de volume produit. Donc, le code Whisperer d'Amazon fonctionne donc un peu sur le même principe. Hein. Tu mets en commentaire ce que tu veux faire, et donc on te murmure le bloc de code correspondant. Il se base non seulement sur le commentaire, bien sûr, mais aussi sur le reste des fichiers du projet, le code qui précède, bien entendu, même la position du curseur. Bon. Écoute, clairement, ce type d'outil est en train de se démocratiser. Bientôt, ça sera sans doute généralisé, d'ailleurs. Hein. C'est vrai que ça répond à un besoin réel. Je veux dire, une majorité des lignes de code d'une application lambda n'ont pas énormément d'intérêt à écrire. C'est toujours les mêmes déclarations, descriptions d'interface, les mêmes fonctions basiques. Donc en gros, ce que tu fais, c'est que tu mets sous stéroïde la suggestion de code qui existe déjà depuis des lustres, hein, et c'est vrai que c'est génial. Cela dit, espérons quand même que les soucis qui sont quand même pour l'instant toujours présents dans ces outils finissent par se régler. Par exemple, la qualité du code. Le code qui est produit, ben, il n'y a pas forcément une qualité irréprochable. En 2021, il y a une étude de NYU qui concluait que 40% du code produit par copilote avait des vulnérabilités. Code Whisperer serait capable de détecter d'ailleurs si le code produit est très proche d'un code qui est présent dans son apprentissage, il pourra même donner la source. Bon, peut-être c'est un début de solution d'ailleurs qui est un autre problème, celui de la licence, parce que le code utilisé pour l'entraînement des algos, c'est des codes open source, hein, bien entendu. Et souvent, bah, ils sont censés le rester open source. Et donc, si des bouts de ces codes ou des codes proches se retrouvent dans des projets commerciaux, ça peut être des violations de licence. Bon, on n'est qu'au tout début de tout ça. Le concept même d'assistant à la programmation comme ça, ça n'a qu'un an à peine, hein, finalement. Donc voilà, tout reste à faire. On va parler aussi un petit peu d'intelligence artificielle, forcément. Alors, toute une section très très cool. Vous allez voir, il y a Yann Lequin d'ailleurs qui a défini ce que pourrait être quelque part l'algorithme d'intelligence artificielle idéal en matière d'intelligence, etc. Vous allez voir, vous allez en parler juste après. Mais quand même, dans le cadre de Rimars, Guillaume, les intelligences du futur, qu'est-ce qu'il y a de vous en faire ? Ouais, on a vu ça dans la keynote de Rimars qui commençait donc sur les robots avec Ty Brady, qui embrayait ensuite sur la technologie des magasins automatiques, les Amazon Store, où tout est automatique, hein, vous savez, on n'a pas encore en France, il me semble. Bon, honnêtement, des nouveautés qui ne m'ont pas particulièrement passionné sur les magasins, mais il y avait quand même un gros morceau Alexa après. Alexa, c'est devenu un assistant qui est ultra sophistiqué, hein, qui utilise quand même une trentaine de modèles de machine learning différents, qui traite 1 milliard de requêtes par semaine dans 17 langues. Et donc, il y avait Rohit Prasad, qui est le scientifique en chef, je crois, d'Alexa, qui présentait un petit peu le futur d'Alexa. Lui, ce qu'il veut faire de ce truc-là, c'est une intelligence généralisable. Pas forcément une intelligence généraliste. Parce qu'une intelligence généraliste, en général, si j'ose dire, c'est le graal de l'intelligence, tu vois. C'est le truc de niveau humain qui est capable d'apprendre, de s'améliorer elle-même. Voilà, c'est Skynet, en gros. Alors, Prasad, lui, il veut pas aller jusque-là, mais il veut qu'Alexa puisse accomplir... Oui, enfin, pour l'instant, cette année. En tout cas, il veut qu'Alexa puisse accomplir des tâches différentes, multiples, à diversifier, s'adapter à des environnements qui changent, et apprendre de nouveaux concepts et actions avec un minimum d'effort de la part des humains qui sont autour. Il donne un concept qu'il appelle l'intelligence d'ambiance, ambient intelligence. Voilà. Donc l'IA, elle est partout, elle assiste quand et où c'est nécessaire, et elle disparaît comme ça dans l'arrière-plan quand on n'en a pas besoin. Donc pour ça, bah, il faut multiplier les capteurs déjà pour capter le mood, hein, de capter l'ambiance en quelque sorte. Donc on a des micros, des caméras, des capteurs de profondeur, un petit peu de pression, tout ça. Le contexte en gros, quoi. Et puis ensuite, il y a l'IA qui doit être proactive et se préparer à aider selon le contexte, justement. Donc il dit qu'Alexa possède déjà une dose de sens commun, de bon sens, si on veut. Si on lui demande une alarme pour le Super Bowl, par exemple, bah, elle va toute seule aller chercher quel est le prochain gros match du Super Bowl, adapter toute seule le fuseau horaire dans lequel tu te trouves et enregistrer l'alarme proprement dite. Pas mal. Bon, je ne sais pas à quel point tout ça c'est codé, aidé par des codes qui sont faits à la main, à quel point c'est appris ou déduit. Bon, parce que le problème du sens commun chez les intelligences artificielles, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et c'est en soi une sorte de graal en fait, hein, du machine learning. Comme un peu tout le monde, Amazon est fan aussi des modèles transformers. Et des gros modèles de langage en général, et des modèles multimodaux aussi, donc ils travaillent dessus, ils ont déjà de bons résultats pour rendre Alexa plus conversationnelle, voilà, avec des demandes qui peuvent donc avoir plein d'étapes, et qui finissent par se traduire par un dialogue naturel avec la machine. Donc il fait une démo avec une demande toute simple à quel est le plus vieil arbre du monde, donc Alexa répond, voilà, c'est le cyprès dans mon jardin, et après il donne du truc assez géré connexe, hein, voilà, c'est quoi ce arbre, où est-ce qu'il pousse, voilà, pourquoi c'est jaune au printemps, tout ça, bon, bref. Et puis après, ils partent sur un truc sur les montagnes. Bon, enfin, on s'en fout. Mais globalement, la démo ressemble en fait à ce qu'on peut voir à une Google I.O., quoi, tu vois. Quand Sundar Pichai discute avec Lambda ou fait des recherches avec Mum, ben, ça ressemble un petit peu à ça, en fait. C'est un peu, voilà, c'est un peu la même idée générale, c'est avoir des IA conversationnels qui sont capables de gérer du texte, de la voix, des images, de manière naturelle, voilà, de synthétiser tout ça. C'est la grande tendance actuellement, tu vois. D'ailleurs, Amazon montre aussi une séance de shopping en langage naturel. Donc Google et Amazon sont clairement un peu sur le même truc, en fait, de ce côté-là, hein, clairement. Par contre, bon, dire qu'Alexa a du sens commun, est-ce que c'est pas un peu une exagération marketing ? Parce que le sens commun en IA, c'est pas évident. Donc il y a effectivement cet article de Yann Lequin, hein, donc que tu as évoqué, captivant, qui est vraiment intéressant. Alors, donc ce qu'on entend par sens commun ou common sense dans la langue de Clarence Thomas, c'est en fait une modélisation du monde extérieur. Voilà, c'est une intuition de comment les choses fonctionnent, qui permet de prévoir ce qui va se passer dans la plupart des cas avec une précision raisonnable. Bon, sans trop se planter, et avec une précision raisonnable. Par exemple, un gamin n'a pas besoin de voir une balle rebondir 2 millions de fois avant de comprendre, de se faire une idée rapide de ce que c'est la gravité, quoi, tu vois. De même, il comprend vite qu'un objet qui disparaît de son champ de vision, il existe toujours, même s'il ne le voit pas. Quand on entend du bruit à partir d'un certain âge, en tout cas. Okay. Oui, mais c'est assez rapide, remarque. Hein. Oui, ouais. Il me semble, enfin, je ne sais plus. Bon, voilà. Oui, je m'y connais pas bébé. Trop en enfant, mais effectivement, c'est relativement rapide. Au bout de rapide. Quelques mois, on va dire, mais c'est assez marrant cette phase où, bon, il ne faut pas en abuser, mais il pense que ça a vraiment disparu. C'est génial. Non, mais ça, j'adore quand tu prends tes enfants pour des... Enfin, ça, c'est vrai que c'est une bonne... Prends ton enfant pour un idiot. Mais il a l'âge, de toute façon, il ne se rend pas compte, c'est pas grave, et puis c'est marrant. Bref. Donc, en tous les cas, effectivement, tu vois, voilà, typiquement, on entend un bruit dans la cuisine, on peut inférer immédiatement ce qui se passe, parce que c'est un bruit métallique, et parce que c'est dans la cuisine, donc on n'est pas la peine d'y aller pour savoir à peu près ce qui se passe, tu vois, on n'est pas affolé, etc. Donc, en gros, Yann Lequin, qui est donc chercheur IA chez Meta, qui a été récompensé par le prix Turing, il cherche à reproduire ce genre de truc. Ce modèle du monde qu'ont les animaux, bah, et donc nous-mêmes, hein, parce que déjà son employeur lui demande, tout simplement. Parce qu'il ne faut pas oublier que Meta a publiquement annoncé sa volonté de créer une IA qui pourrait nous regarder vivre via des lunettes de réalité augmentée et qui pourrait nous aider à la demande. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette démo de Facebook. À l'époque, c'était Facebook. Hein. C'était un gars qui cherchait, je ne sais plus, la montre de sa mamie, voilà, quelque part chez lui, là. Et puis l'IA avait repéré qu'il l'avait mis dans un tiroir plusieurs heures ou jours auparavant. Et il lui dit, c'était cette époque, si tu veux, où il lançait un projet de recherche pour effectivement faire des IA qui comprennent le monde en vidéo. Mmh. Je ne sais plus exactement du nom du projet, mais bon, c'est pas grave. Pour faire ça, donc l'IA voit et entend et doit donner du sens à ce qui se passe. Donc avoir un tel modèle du monde, ça permettrait de faire ce genre de truc. Et Lequin, bah, qui a quand même la puissance massive de Meta derrière, hein, et les data centers de Meta derrière, bah, il a essayé, parce qu'il peut. Il a essayé de faire des modèles qui devinent ce qui va se passer dans une vidéo. Et ça marche pas. Malgré la puissance à sa disposition, qui est quand même bien conséquente, les réseaux devraient avoir une taille absolument ingérable pour faire ça. On est dans le mur. C'est compréhensible, hein, puisqu'en fait, ce qu'il demandait, c'est qu'il demandait à un réseau de prédire ce qui va se passer pixel par pixel. Donc si une balle doit tomber, le réseau doit afficher précisément l'image de cette balle qui tombe, les images de cette balle qui tombe pixel par pixel. Alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on fait, nous. Je veux dire, nous les humains, on sait en gros ce qui va se passer, mais pas en détail au pixel près, parce que c'est juste pas nécessaire. Donc Lequin a publié un article où il détaille ce qu'il veut faire et comment il espère y parvenir. Donc lui, ce qu'il voudrait, c'est avoir des réseaux qui considèrent le monde avec différents niveaux de détail. Donc il voit un réseau configurateur qui adapte la précision et règle un autre réseau qui, lui, apprend les trucs. Donc en fait, il imagine aussi avoir plusieurs réseaux avec chacun des fonctions plus spécialisées, ben, un peu comme un cerveau, hein, clairement. Donc c'est une idée qui est pas si nouvelle d'ailleurs en soi. Le problème, c'est que pour le moment, Yann Lequin ne sait pas exactement comment créer le configurateur. Et son article est plus là pour poser des questions et encourager la recherche dans cette direction-là. Parce pour que recruter, justement. Peut-être aussi, j'imagine d'ailleurs, au passage. Ou, éventuellement, oui, mais en tous les cas, c'est vraiment pour montrer une autre direction. Parce que la direction dans laquelle partir, c'est aussi un enjeu en soi. Il y a pas mal de gens qui ne jurent que par des modèles de langage de plus en plus gros, par exemple. Il y a qui pensent qu'ils finiront par atteindre l'intelligence tout seuls, à partir d'une certaine taille. On a un exemple, évidemment, hein, encore une fois, qu'on fait la semaine dernière. Ceux qui pensent que la taille compte, voilà. Il y en a même qui pensent que, de manière très optimiste, ça c'est déjà arrivé. Bon, de l'autre côté, on a les partisans de l'apprentissage par renforcement. Donc c'est DeepMind, typiquement, ils ont des IA qui apprennent un petit peu toutes seules à jouer au Go, voient plein de trucs, et ça par la pratique, en expérimentant ce qui marche et ce qui marche pas. Bon, Le Quin pense qu'aucune de ces deux approches ne rendra l'intelligence, enfin, n'atteindra jamais l'intelligence généraliste. Il pense qu'elles vont atteindre des plateaux, même si elles seront excellentes dans des domaines spécifiques, dans leurs domaines respectifs, mais il va y avoir des plateaux. Et donc, Le Quin propose une troisième voie. Donc, voilà, c'est pourquoi pas. Moi, je parle, évidemment, c'est assez super intéressant. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça montre que les problèmes qui sont liés donc, à cette notion de sens commun, d'intuition ou d'intelligence généraliste sont quand même très très loin d'être résolus, quoi. Et ça montre à quel point, encore une fois, mais c'est quelque chose là aussi qu'on a matraqué au travers de regards portés sur l'intelligence artificielle, à quel point on est très très loin encore aujourd'hui de cette espèce de crainte ou de d'avoir une intelligence supérieure dictée par la machine qui arrive à raisonner plus que l'être humain. Mais quand même, c'est marrant de voir aussi que la direction à très très très très très très très long terme, si on suit les réflexions qui sont menées, bah, il mène quand même droit, peut-être pas vite, mais tout droit en tout cas. Super, eh ben on continuera à suivre les travaux de Yann Le Quin de toute façon à ce sujet, et l'article est vraiment très cool, hein, Technology Review, allez voir dans les notes de l'épisode, comme tous les sujets qu'on aborde évidemment. Y a un sujet évidemment sur lequel on s'est rué avec Guillaume dans le cadre de nos surveillances de l'ActuTech depuis la semaine dernière, parce que on parlait de dialogue qui pouvait être, on va dire, convaincant, ou en tout cas, selon certains, doué de conscience avec des intelligences artificielles qui, voilà, représenteraient une vraie conscience, une vraie personnalité. Écoutez l'épisode de la semaine dernière pour en savoir un petit peu plus. Mais forcément, il y a une utilisation qu'on n'avait pas identifiée et qui est possible, peut-être. Et si on transformait ce dialogue comme étant un dialogue non pas avec une intelligence artificielle lambda, avec n'importe qui, quelque part, mais en faisant une retranscription de la voix de personnes décédées. Guillaume, est-ce que c'est pas là, finalement, où il n'y a pas un usage complètement bluffant, c'est d'arriver à simuler un dialogue avec un être aimé qui a disparu? Oui, bah évidemment. Alors c'était la fin de la section Alexa, en fait, de la keynote, et donc il y a une démo qui a fait énormément parler, enfin, en tout cas, écrire sur Internet. C'est le moment où c'est étonnant de voir à quel point les gens considéraient Alexa comme un compagnon. Rohit, donc Rohit Prasad, dit qu'il faut créer de l'empathie aussi pour que Alexa s'humanise plus. Et là, il affirme qu'ils ont fait d'énormes progrès pour le clonage des voix à partir de petits échantillons, de quelques secondes parfois. Et la démo proprement dite, c'est un enfant qui demande à Alexa de lui raconter une histoire avec la voix de sa grand-mère morte. Et le gars trouve ça cool. Ça maintient le souvenir. Je veux dire, tu vois. Alors bien sûr, c'est Black Mirror 150%, parce que si Alexa peut synthétiser la voix de sa mamie et qu'on peut discuter avec, bah, tu peux discuter avec ta mamie. Alexa, en fait, reproduit non seulement le ton, mais aussi la prosodie de mamie. Il suffirait qu'elle s'entraîne sur un corpus de textes ou de dialogues de mamie qui soit suffisamment gros, et on serait très exactement dans l'épisode 1 de la saison 2 de Black Mirror, qui date de 2013. Bienvenue dans le futur. La prosodie, c'est la musicalité, hein, de la voix, quelque part. Oui, c'est la manière dont tu entends les trucs, oui, voilà, c'est ça, c'est là, ouais. Voilà, musicalité, tout à fait. On peut que s'enthousiasmer évidemment sur cette prouesse technologique. Et puis bah, on va terminer avec, là on va tourner notre regard vers les étoiles, avec, ça continue, hein, le travail autour de la mise à disposition de satellites en orbite, Guillaume, pour le meilleur et pour le pire de la connectivité. Bah oui, écoute, ça s'appelle Remars, donc il faut quand même qu'on parle un peu d'espace, hein. Donc, d'ailleurs, il y a eu des interventions, d'Ariel Eckblow du MIT, du MIT, qui a parlé de futures stations spatiales. Il y aurait trois projets de stations privées, dont Orbital Reef, pour laquelle Blue Origin fournirait d'ailleurs les services logistiques et web. Bon, ça, c'est pour la fin de la décennie, au mieux. Puis elle a montré aussi des concepts de stations au sol, voilà, pour Mars et la Lune et Mars. Des projets de voyage vers Mars avec des modules qui s'auto-assemblent. Alors, c'était marrant, hein. Le module, en fait, est envoyé en kit. Là, c'est comme si la station était envoyée en kit façon IKEA, hein, tout simplement, en paquet plat. Et en vrai, une fois qu'il est arrivé sur place, ça déballe les paquets plats et puis ça se remonte tout seul en orbite, de manière automatisée, quoi. Alors c'est vraiment marrant, je vais pas vous mentir, ça a l'air chaud à faire quand même, hein. En général, d'ailleurs, tout ça, ça me ressemblait quand même beaucoup à un film de SF qui me semblait quand même vraiment loin et assez spéculatif, hein, pour être vraiment intéressant de manière, tu vois, genre, t'étais quand même vraiment loin, quoi. Bon, après Ariel, d'ailleurs, il y a eu aussi un autre truc qui semblait quand même assez loin, c'est le PDG de Synchron, qui est en concurrent de Neuralink, tout simplement. Alors, je pense pas que Synchron appartienne à Amazon, ou bon, je sais pas trop pourquoi il était là, en tout cas, ils ont une techno qui est assez intéressante, hein, parce que c'est comme Neuralink, donc c'est une interface neurale, mais cette interface neurale passe par un capteur qui passe dans les vaisseaux sanguins, et qui donc ne nécessite pas de trous. Et moi, tu sais que j'apprécie bien quand on ne me fait pas de trous supplémentaires, je serais très content de ça. Donc, comme c'est Neuralink, comme Neuralink, quoi, je veux dire, pardon, c'est comme Synchron, c'est un peu comme Neuralink. Donc, les signaux sont envoyés à un boîtier que tu portes sur toi, sont filtrés pour interprétation, etc. Il y a un exemple d'un gars qui discute, en fait, par texto, comme ça, grâce à ce truc-là. Bon, ok, il y a une présentation aussi de Lunar Outpost, qui pas mal de trucs, mais vraiment très futuriste aussi, qui semble vraiment pas pour demain. Plus près de nous, Amazon quand même prévoit aussi d'envoyer énormément de... Ils passent la seconde avec sa constellation Kuiper, puisqu'ils ont réservé 83 lancements de Blue Origin, mais aussi d'Ariane Espace et de United Launch Alliance, pour étoffer donc cette constellation, donc ils auraient réservé 18 fusées Ariane 6 d'ailleurs. Donc l'ensemble coûterait au bas mot 10 milliards de dollars. Donc là, ça y est, ils y vont. On n'a pas énormément d'infos supplémentaires. Après, c'est sûr qu'il va falloir se bouger pour envoyer les 3200 satellites prévus. Et du coup, concurrencer Starlink qui ne cesse de gagner du terrain. Je reste toujours désarçonné de voir tous les investissements et toute l'énergie déployée pour ces satellites qui ont, on le rappelle, une durée de vie qui est tout à fait relative. Il ne s'agit pas de les faire tourner 100 ans autour de la Terre, mais bien moins. Et donc, bon, écoute, génial. Il y a un algorithme d'intelligence artificielle remarquable qui opère sur notre conducteur en temps réel. Je vous avais évoqué, mais un peu au conditionnel quand même, dans l'intro, qu'on parlerait de réalité virtuelle. Figurez-vous que l'algorithme a choisi, pendant qu'on discutait avec Guillaume, de mettre de côté un petit peu les sujets qui tournent autour du métavers, de la réalité augmentée, etc. Mais il nous dit aussi cet algorithme qu'on pourra l'entendre dans l'épisode de Tech Café Weekend. Donc abonnez-vous à Tech Café pour être sûr d'avoir tous les épisodes. Par contre, il nous reste encore un petit peu de temps selon cet algorithme pour parler de jeux vidéo. Et on voulait vous parler un petit peu d'une décision de Microsoft, qui va nous aider à modérer des serveurs Minecraft alors que il n'est peut-être pas forcément besoin partout. Guillaume, de quoi s'agit-il ? On parle un peu quand même de Metaverse avec Minecraft. C'est un Metaverse. Exact. Donc Minecraft arrive en version 1.19.1 et qui est une nouvelle fonction qui ne plaît pas à tout le monde parce que il faut savoir que Minecraft permet la création de serveurs privés qui sont soit hébergés directement par Microsoft, c'est les Realms, soit hébergés par vous-même et où vous voulez. Donc vous pouvez facilement créer votre monde, un monde persistant, et l'ouvrir à qui vous voulez. Donc, ce genre de truc quand même, et les possibilités de modification, tout ça, ça fait partie des raisons du succès vraiment durable de Minecraft. Et bon, quand vous entrez dans un monde Minecraft en ligne, vous le faites avec votre identité Mojang ou Microsoft, et votre skin d'ailleurs, et vous avez besoin d'un code Microsoft, donc pour accéder à la plupart des serveurs publics qui demandent si le joueur est effectivement en possession d'une licence de jeu avant de rentrer. La nouvelle possibilité offerte aux propriétaires de serveurs, c'est de signaler des mauvais comportements à Microsoft directement, qui pourra donc refuser l'accès à ses utilisateurs sur tous les serveurs, puisque tous demandent une authentification. Alors techniquement, c'est possible de faire un serveur qui ne demande pas d'authentification, sur lequel tout le monde et même ceux qui ont craqué le jeu peuvent venir, mais du coup il n'y a aucune protection d'identité sur le serveur, et parce qu'il n'y a pas de mot de passe, si vous voulez. Donc, bannir les joueurs qui ont de mauvais comportements, c'est monnaie courante dans tous les jeux. Le fait que Minecraft soit justement un métavers, c'est-à-dire où il y a une infinité en fait, d'univers possibles, il y a plus de 30 000 serveurs répertoriés, il y en a certainement beaucoup plus, ça donne à la chose une autre tournure. Les serveurs sont des serveurs Minecraft, mais ils ne sont pas gérés par Microsoft et les machines n'appartiennent pas à Microsoft. Il existe néanmoins une autorité centralisée qui a le pouvoir sur tous les joueurs. Et donc tout ça... En général, ce genre de truc, c'est à la discrétion des propriétaires de serveurs de faire leur petit ménage. Microsoft ne va pas intervenir de toute façon lui-même si on lui demande rien. Il ne va pas bannir quelque chose si on lui demande rien. Mais ça inquiète quand même. Et on peut dire que ça facilite pourtant la gestion des serveurs privés, puisqu'en gros, Minecraft s'occupe de virer les joueurs poison pour nous. Mais jusqu'à présent, la gestion de ces problèmes, c'était laissé aux opérateurs, et franchement, ils s'en sortaient, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y a un vrai besoin, que c'était un vrai besoin. Il existe déjà des outils, évidemment, pour contrôler et bannir les joueurs. Bon, si les gens... des gens pourront se faire bannir légitimement, et puis après, il y aura aussi du trolling. Des gens qui signaleront d'autres gens pour les faire bannir. Ou encore des malentendus, bien sûr. Bon, Minecraft a 10 ans, j'ai pas du tout l'impression que ce genre de fonctionnalité était demandé. Alors pourquoi Microsoft se complique la vie et se rajoute du boulot en plus, en passant pour le méchant de service ? Je comprends pas, c'est un petit peu bizarre. On verra bien ce que ça donne. Ça va peut-être aussi multiplier les serveurs dits offline, va savoir. Je connais pas suffisamment Minecraft, mais j'ai tendance à penser quand même que si Microsoft déploie ça, c'est qu'ils ont une attente derrière, et j'imagine qu'il y a eu des remontées, peut-être des plaintes ou peut-être des anticipations, j'en sais rien, hein, de régulation sur ces sujets-là. Bon, franchement, je connais pas du tout l'origine, mais je peux pas imaginer que ce soit juste un truc qui soit là quelque part pour embêter. Je me dis aussi, Guillaume, quelque part, que l'histoire des plateformes telle qu'on la suit depuis pas mal de temps maintenant nous montre que quand il y a la possibilité de signaler des comportements qui sont problématiques, il est rare que l'abus de ces fonctionnalités aille faire pencher la balance du mauvais côté, tu vois. Donc bon, je me dis que c'est peut-être pas plus mal. Je connais pas suffisamment ce qui se passe derrière, on le verra dans le temps, quelles sont les implications. Au passage, tu voulais nous parler quand même d'une intelligence artificielle qui, je pense, a probablement le boulot de rêve ou de cauchemar, peut-être au bout d'un moment idéal. C'est le fait qu'elle regarde en permanence des heures et des heures de vidéos de Minecraft. Mais pourquoi faire, Guillaume ? Ouais, je sais pas si c'est... Une IA a quand même été contrainte de regarder 70 000 heures de vidéos de Minecraft. Bon, c'est une punition, c'est vrai, c'est trop long. Pour apprendre à jouer, la pauvre. Alors, l'originalité, c'est que les chercheurs ont d'abord demandé à des gens de jouer 2000 heures à Minecraft en enregistrant chaque frappe, chaque action de clavier, et qu'après, ils ont entraîné un premier modèle d'intelligence artificielle à déduire les frappes de clavier en regardant des vidéos qui sont pas annotées. Donc, du coup, ces 70 000 heures de vidéos... elles ont été annotées en quelque sorte par une intelligence artificielle. Et après, ben, du coup, ils ont eu 70 000 heures de vidéos exploitables par une intelligence artificielle qui a pu se former dessus et qui a réussi à avoir des outils en diamant. Félicitations à elle. Alors, il faut voir que Minecraft, c'est un jeu qui est très compliqué pour les intelligences artificielles parce qu'il y a trop de degrés de liberté en quelque sorte. Et en plus, l'approche de l'apprentissage par renforcement marche mal parce que c'est difficile pour le programme de savoir s'il a bon ou pas. À court terme, il n'y a rien qui te dit que tu as bien fait de faire telle action ou pas. Donc, c'est très difficile. Donc, il y a aussi l'approche de l'apprentissage donc visuel, qui bute sur un obstacle classique. Hein. Il faut énormément de données de qualité. Donc, il faut de la bonne vidéo avec toutes sortes d'actions et toutes les actions qui vont avec. C'est qui coûte très cher à produire. Faire une table de craft, hein, c'est un petit millier d'actions si tu fais un échantillonnage précis du clavier et de la souris. Donc, il contourne le problème en utilisant un réseau pour annoter lui-même la vidéo brute, qui devient du coup utilisable. Donc, ça progresse et c'est assez intéressant à voir. Même si, ironiquement, les bots Minecraft tout à fait classiques, tout bêtes, sans aucun apprentissage, font encore beaucoup mieux que les IA. Il y a un bot hein, que j'ai testé moi-même, qui s'appelle Altoclef, qui est arrivé à avoir du diamant en quelques minutes, et qui s'est mis à former, à former des blazes dans le Nether 10 ou 20 minutes plus tard. Alors, j'ai pas encore pu le reproduire moi-même, mais Altoclef a déjà réussi à finir le jeu. Donc, tu vois. Ah, intéressant. Bah écoute, c'est rigolo. C'est marrant de voir le terrain d'expérimentation que représente Minecraft. Je me souviens d'excellents épisodes qu'on a fait ensemble, Guillaume, autour de Minecraft. J'avais beaucoup appris. Tu vas nous parler de FSR 2.0 qui, bah voilà, continue un petit peu à avancer, qui va commencer à s'installer et à démontrer ses avantages. Le FSR 2.0 passe en open source, donc tout le monde peut l'implémenter directement ou via des plugins pour Unreal Engine. Ah, c'est cool. Et il commence à faire son trou, carrément. Hein. Il arrive dans la boîte à outils des devs Xbox et Windows. Et il arrive aussi dans une vingtaine de jeux. Alors, il y a Deathloop, bien sûr, on le savait déjà, mais aussi Forspoken, God of War, EVE Online, voilà, il y a Tiny Tina, Callisto Protocol, et même Farming Simulator 2022, donc là, c'est fini. C'est incroyable. Et le FSR 1.0, lui, par ailleurs, est du coup dispo sur des dizaines de titres, d'ailleurs, donc Warface, No Man's Sky, etc. Donc ouais, le FSR fait son trou assez rapidement. Ça devrait inquiéter, le rythme d'adoption pourrait inquiéter Nvidia à un moment. Ouais, c'est-à-dire que oui, si c'est aussi facile de le déployer, effectivement, ça peut leur faire peur. Et puis Epic, Guillaume, qui veut désamorcer un problème autour des évaluations. Ben oui, alors comment tu désamorces le review bombing, les bombes de review? Voilà, ça consiste à s'acharner à mettre des zéros à un titre qui le mérite ou pas, et qui aboutit à l'envoyer évidemment dans les profondeurs des classements, à tort ou à raison. Alors quand c'est à tort, quand les joueurs utilisent un jeu pour exprimer une frustration qui est tout autre, bah c'est malheureux quand même. Et Epic a une idée pour que ça soit plus possible. Donc au lieu de laisser s'exprimer tout le monde, Epic va aléatoirement choisir des gens qui ont joué au jeu, ils vont lui demander de le noter, tout simplement. Et donc, bah voilà, les campagnes concertées seront plus possibles. Et normalement, les mauvais jeux ou ceux qui ont des pratiques abusives pourront toujours se faire pourrir. Donc, bah écoute, ouais, tout va bien, pourquoi pas. On a fait le tour, on a dû mettre de côté plein de sujets. Je m'en veux d'avoir relayé trop d'interactions d'avis d'épisode, mais quelque part, c'est bien aussi de montrer qu'on lit et vous. Mais on, c'est on pas suit grave, tout ce parce qu'il y a un épisode week-end. Voilà, il y a un épisode week-end, donc ça veut dire que vendredi, peut-être samedi au plus tard, vous aurez un épisode de Tech Café en plus. Mais si vous vouliez l'essentiel de l'actu, c'était probablement dans cet épisode hebdo de Tech Café qu'il fallait le retrouver. On est ravis, en tout cas, que vous ayez pu écouter cet épisode jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous pouvez évaluer le podcast s'il vous a informé, s'il vous a diverti, si vous avez passé un bon moment. Je vous invite évidemment aussi à aller sur patreon.com/techcafé pour tout comprendre de la plateforme de financement participatif du podcast. Peut-être qu'entre le moment où vous écoutiez le début de l'épisode et ce moment-là, vous êtes passé à l'action. Bah écoutez, merci beaucoup et on vous citera dans un prochain épisode. Guillaume, est-ce que tu peux nous rappeler tout simplement une question simple, Guillaume ? Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet ? Écoute, peut-être sur Westeroscraft, je sais pas, ce serveur Minecraft qui reproduit les grands monuments de Westeros. Ça fait très longtemps que je suis pas allé, mais il était absolument incroyable. Il est modé Conquest, donc c'est un serveur modé, mais il est vraiment, vraiment très très impressionnant. Ah, les mods de Minecraft, tu m'avais vendu du rêve, il faudrait vraiment que je me trouve du temps pour me plonger là-dedans. J'aurais du mal. Bon, écoute, merci beaucoup Guillaume. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr ou sur les réseaux sociaux. Et puis bien entendu, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.